ți tut pot la viu feme. Da cu eu ți feme, pot fi Jericho. Jos vei te ma, se fre un villa. Le vei ma și cu cafe un lichisla. Si uvle mirai, ki de roulin tombe, fel nu fa chak jou, bon sa pan dan si jou. Sou septem jou nou pal, fe set un lichisla. Pon ka chante, danse, loue nou bon. Dernier jour ça faut nous délivrer. Tous ces soldats montés faut nous gagner victoire. Cette boîte yo a marché devant boîte contrat. Avec cette conne bélier yo yon dans chaque main. Tout en a marché pour faire on l'église là. C'est pour nous tendre les yo dit nous pour nous rêler. Passons la mecque pour devant devant. Après yo fin connait con bélier yo con la luna quelle crier crier crier mira yo tombé paroles célestes. Gardez le cœur, Dieu, content, non, mes amis. À la belle bagaille, yes. Bishop Sam Celestin, Église Apocalypse, Parole Céleste la tourne. See you.